Alors que les deux amis de collège se retrouvent après 2 ans de séparation, on apprend leur jeunesse, le début de leur amitié. Deslauriers conseille à Frédéric de se faire introduire chez D'Ambreuse, le riche banquier parisien dont le régisseur des terres n'est autre que le père Roque, voisin des Moreau à Nogent.